Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Gamozo 107 FM. On se retrouve aujourd'hui pour le 6e numéro de À la rencontre d'auteurs. C'est Chris et aujourd'hui nous rencontrons Marie-Claude pour son roman auto-édité La Courte Échelle. Bonjour Marie. Bonjour. Comment ça va ? Ça va très bien, je suis très heureuse d'être parmi vous. On est heureux de vous accueillir. Donc tout d'abord, pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? Tout à fait, alors je suis auteure d'un premier roman qui est intitulé La Courte Échelle. Mmh. Et par ailleurs, j'ai une activité professionnelle, j'exerce un métier dans un office notarial et je suis mère de famille. D'accord, donc on est ici pour parler de justement La Courte Échelle. Pourquoi vous êtes-vous lancée dans l'écriture et depuis combien de temps écrivez-vous ? Alors, le roman, l'écriture du roman, ça a été une sorte de hasard. Tout d'abord, mon métier dans un office notarial consiste quand même pour l'essentiel à jouer avec les mots. Et depuis la naissance de mes enfants, à titre personnel, j'ai commencé à écrire des petits textes de circonstances avec de l'humour notamment. Et petit à petit, je me suis sentie vraiment à l'aise dans ce rôle-là. Donc en septembre 2018, j'ai commencé l'écriture d'un roman, un peu par hasard, parce que j'avais besoin de m'épanouir à travers ça. D'accord. C'était pas un roman qui avait vocation à être publié. J'ai écrit pour moi. Et puis je me suis prise au jeu. Je me suis bien amusée. J'ai fini par le terminer. D'accord. Par terminer une première version que j'ai confié à une dizaine de lecteurs à peu près, ainsi qu'à une correctrice professionnelle. Et puis les retours étant assez positifs, j'ai fait suivre la phase d'écriture par une phase de réécriture qui m'a pris autant de temps en fait que l'écriture elle-même, qui a concerné essentiellement la forme. J'ai pas touché au fond de l'histoire jusqu'à ce que je décide enfin de le publier par le biais de l'auto-édition. D'accord. Donc justement, écrire des romans, c'est à vocation pour vous pour devenir écrivaine professionnelle ou pas du tout ? Non, pas du tout. C'est un à côté. D'accord. Ça ressort plus de la passion que d'un projet professionnel à long terme. D'accord. Et d'ailleurs, c'est très amusant de le faire comme ça puisqu'il n'y a aucune contrainte derrière l'écriture. Il n'y a pas de contrainte de contenu, il n'y a pas de contrainte de délai. Il n'y a pas de contraintes financières, mmh. Et c'est vraiment ce qui rend les choses amusantes. D'accord. Donc justement, on l'a dit tout à l'heure, La Courte Échelle, c'est un roman auto-édité. Oui, tout Donc, à fait. Donc pourquoi avoir choisi l'auto-édition ? Alors, pourquoi avoir choisi l'auto-édition ? Alors l'auto-édition, c'est pas une auto-édition subie, c'est une auto-édition choisie. D'accord. C'est tout simplement parce que j'ai assez peu de temps à consacrer à cette phase de promotion du livre. Et donc, j'ai été confrontée à un choix. Soit je consacrais ce peu de temps que j'avais à envoyer mon manuscrit à des maisons d'édition avec un résultat qui était quand même plus qu'incertain, parce que quand on est un auteur inconnu, il faut quand même pas se leurrer. Être repéré par une maison d'édition, c'est quand même assez compliqué. Bien sûr. Ou alors, j'utilisais ce temps-là pour aller à la rencontre des lecteurs, pour parler moi-même de mon livre, pour essayer d'en vendre quelques exemplaires. Donc c'est ce choix que j'ai fait. D'accord. Donc vous avez quand même soumis votre texte, votre livre à des maisons d'édition ? Pas du tout. D'accord. Non, non, non. Donc je crois savoir d'ailleurs que La Courte Échelle, c'est votre tout premier roman. Tout à fait. Donc est-ce que vous avez, on en parlera un peu plus tard, mais déjà pour répondre, est-ce que vous avez un futur projet ou des futurs projets à l'avenir ? Alors oui, absolument. Là, j'ai été atteinte par le virus. Cette première expérience m'a vraiment confortée dans cette activité. Et là, il y a déjà un deuxième projet qui est en cours, un deuxième roman dont la trame est déjà faite. Alors simplement, ce deuxième projet-là me demande beaucoup plus de recherche que ce premier roman, La Courte Échelle. Et c'est toujours pareil, je suis en train de promouvoir le premier, donc j'essaie aussi de ne pas me disperser, mais il y a bien effectivement un deuxième projet quand même dans les tiroirs. D'accord, donc on en parlera plus en détail un peu plus tard dans l'émission. Oui. Donc je vous propose d'ailleurs que nous nous lancions tout de suite dans une première pause musicale. Oui. Vu qu'on en parlera tout à l'heure également, votre roman traite beaucoup d'écologie. Tout à fait. Nous allons écouter des chansons de pause musicale écologique. La première, ça va être Trio avec l'hymne de nos campagnes.

Les objets sur l'échelle, ça symbolise tout simplement, bien qu'on ne soit pas entré encore dans le vif du sujet, les inconnus qui vont faire irruption dans la vie d'Hélène, qui est mère de famille et qui est l'héroïne de cette histoire. Donc la voiture, c'est pour symboliser le commissaire de police. Mmh. La palette de peinture, ça représente l'art thérapeute. Ainsi que le crayon, le chapeau, c'est pour Colette. Colette, c'est une vieille dame qui porte tout le temps des chapeaux, qui va également s'immiscer dans la vie d'Hélène. Et puis, le côté naïf, le côté un peu bohème de la couverture, on s'est dit tout simplement, avec Anne Gervel qui l'a réalisé, qui est une personne qui assiste les auteurs auto-édités, on s'est dit que ça pourrait évoquer tout simplement le côté enfantin de la vie. D'accord. Donc, comme nous voyons sur la quatrième de couverture, oui. Le résumé, donc vous l'avez dit, le commissaire de police, un jardinier au cœur d'or et la vieille dame au chapeau coloré. Tout à fait. Qui vient emprunter, donc la vieille dame, le monospace. Absolument. Le commissaire de police, la machine à laver. Oui. Et le jardinier, le potager. Voilà. Voilà. Donc, ensuite, on l'a dit, cette couverture a été réalisée avec Anne Gervel. Oui. Qui est Anne Gervel ? Alors Anne Gervel, c'est une personne que j'ai rencontrée via un groupe d'écriture auquel j'appartiens et qui assiste les auteurs auto-édités. Quand on est auteur auto-édité, il y a un certain nombre de formalités légales à accomplir déjà pour publier son livre et qu'en toute honnêteté, je n'avais pas envie de gérer moi-même. Le dépôt du livre à la BNF, l'obtention du numéro ISBN, voilà, ce genre de choses. Pour la couverture, c'est pareil. J'avais envie d'avoir un regard extérieur pour présenter le livre au public. C'est la première chose qu'on voit. C'est ce qui fait qu'un lecteur va prendre le livre et regarder la quatrième de couverture. Et moi, j'estimais ne plus avoir le bon regard ou en tout cas ne plus avoir suffisamment de recul pour établir moi-même la couverture. En tout cas, j'avais pas envie de consacrer du temps à cet aspect-là du livre. Moi, c'était pas tellement mon truc. D'accord. Et puis, j'avais vraiment envie d'avoir une plus-value, un regard extérieur qui était jeté sur mon histoire pour produire quelque chose de joli. Donc, c'est un travail collaboratif qu'on a fait avec Anne Gervel. Bien sûr, elle m'a demandé mon avis. On a étudié ensemble des pistes de réflexion. Elle m'a soumis plusieurs propositions et c'est finalement sur celle-ci qu'on s'est arrêté. Et elle a également géré la mise en page du livre, parce que ça, c'est pareil. Il y a un certain nombre de règles à respecter que je ne connais pas, que je ne maîtrise pas. Et c'est pareil, c'est un travail que je n'avais pas envie de gérer ou d'approfondir dans le cadre de la publication. D'accord. Donc Anne Gervel, est-ce qu'on peut dire qu'elle est graphiste ? Elle est elle n'a pas pour profession d'être graphiste. Alors c'est quelqu'un qui, elle a un autre métier. Elle travaille dans un cabinet d'avocats qui est spécialisé dans la propriété intellectuelle. Donc elle est à même aussi de conseiller les auteurs surtout les aspects droit d'auteur, etc. D'accord. Et donc en plus de ça, elle réalise effectivement des couvertures plus la mise en page et elle a un travail d'assistance des auteurs auto-édités, mais pour elle, c'est un à côté. D'accord. Donc d'ailleurs, on ne l'a pas dit, mais sur la première de couverture, le titre, La courte échelle, ressemble également à une écriture manuscrite. Oui. Donc je suppose que c'était important pour vous que ce soit une écriture qui ressemble à une écriture manuscrite. Oui, oui, oui, tout à fait. Et puis je voulais quelque chose d'assez arrondi, parce que ça correspondait aussi ce côté peut-être un petit peu naïf, enfantin, une écriture tout en rondeur qui correspondait assez à l'esprit du livre. D'accord. Donc justement, nous allons entrer directement dans le roman. Donc de quoi parle votre roman La courte échelle ? Car comme on l'a dit tout à l'heure, il y a plusieurs personnages qui vont chacun avoir un rôle à jouer. Et tout même sur la quatrième de couverture, juste avant la présentation, votre présentation d'auteur, oui. Il y a marqué « Êtes-vous prêt à bousculer vos certitudes ?» Donc nous imaginons que chacun aura vraiment un grand rôle à jouer, chaque personnage. Tout à fait. Donc quel est le sujet principal ou de quoi parle votre roman La courte échelle en général ? Alors, La courte échelle, c'est l'histoire d'Hélène. Hélène, elle est mère de famille. Elle a trois petites filles, Charlotte, Inès et Jeanne. C'est une famille endeuillée. Elles ont perdu Nathan, qui était donc le papa de ses trois petites filles. C'est une famille en souffrance qui va voir en fait apparaître dans sa vie, mais sans rien avoir demandé à personne, des inconnus. Donc on va avoir, comme je le disais tout à l'heure, Colette qui va venir leur emprunter leur monospace, Robert qui va venir chez elle pour créer un jardin partagé, pour utiliser leur potager, Raphaël qui va venir leur emprunter leur machine à laver. Et puis, il y a des circonstances qui font qu'en fait, Hélène ne va pas jeter ses inconnus dehors. Elle va leur ouvrir la porte de façon plus ou moins contrainte. Et donc, on va assister dans le roman à la façon dont ils vont s'immiscer dans leur vie. Alors, c'est une histoire que j'ai voulu assez drôle, assez émouvante. C'est ce qu'on peut appeler un roman feel good, qui est censé faire passer le lecteur par différentes émotions. J'ai voulu que ça fasse sourire, même rire si possible, pleurer éventuellement. Le but, c'est de faire transiter le lecteur par tout un tas d'émotions différentes, sachant que c'est une histoire que j'ai voulu optimiste, donc qui traite des valeurs de solidarité, de coopération, de bienveillance, pour conclure sur une touche positive. D'accord, parce qu'on remarque dans ce roman que chaque personnage apparaît d'une façon plus ou moins originale. D'ailleurs, c'est la vieille dame qui apparaît en premier. Oui. Sur un service de location de voiture. Absolument. Donc on ne va pas trop expliquer comment ni pourquoi, parce que sinon ça risque de gâcher la surprise. Mais c'est assez original la façon dont elle arrive, avec ses lunettes triple foyer. Donc nous remarquons également dans ce roman un point important pour nous, Vosgiennes et Vosgiens, c'est que ce roman se passe dans les Vosges. Tout à fait. Pourquoi avoir choisi les Vosges pour votre roman ? Parce que c'est ce que je connais le mieux. Et puis par ailleurs, je trouvais important de décrire les magnifiques paysages qui se trouvent à proximité de chez nous. Je me suis dit que ça pourrait apporter une valeur ajoutée que de décrire des lieux communs dans lesquels les Vosgiens pourraient se retrouver. D'accord. Donc, dans le roman, vu qu'on est dedans, nous comprenons, donc dit le chapitre 1, que le personnage d'Hélène est quand même assez désabusé. Oui. Qu'elle est peut-être en dépression, qu'elle vit une sorte de dépression. Oui. Mais nous ne savons pas la raison de ce mal-être, du moins au début. Vouliez-vous montrer ces expressions, ces ressentis en particulier ? Oui, tout à fait. C'était essentiel de faire apparaître ce mal-être, effectivement. Et puis, le message, Hélène, elle est mère de famille, donc c'est aussi de montrer que les mères de famille sont parfois dépassées par les événements. Le but, c'est aussi de déculpabiliser un petit peu celles qui pourraient se retrouver dans le personnage d'Hélène. D'accord, donc oui, justement, sujet mère de famille que vous connaissez bien. Absolument. Donc je propose que nous nous lançons tout de suite dans une deuxième pause musicale. Une nouvelle fois, une chanson qui parle d'écologie, qui date de 2006. Ça va être Yannick Noah avec Aux arbres citoyens. Et on se retrouve juste après. Le ciment dans les plaines coule jusqu'aux montagnes, poison dans les fontaines, dans nos campagnes. De cyclone en rafale, notre histoire prend l'eau, reste notre idéal, faire les beaux. Remplir la balance, quelques pétrodollars contre l'existence. De l'équateur au pôle, ce poids sur nos épaules, de squatteurs éphémères, maintenant c'est plus trop. Puisqu'il faut changer les choses, quelques baffes à prendre, la veille est pour demain, des baffes à rendre. Faire tenir debout une armée de roseaux, plus personne à genoux fait passer le mot. C'est vrai, la terre est ronde. Vous êtes de retour sur Radio Guémozo. Vous venez d'écouter Yannick Noah avec Aux Arbres Citoyens. Nous sommes toujours en compagnie de Marie-Claude. Ça va toujours ? Ça va toujours. Donc justement, donc dans ce roman, les quatre personnages principaux, donc on l'a dit tout à l'heure, sont Hélène, Charlotte, Inès et Jeanne, oui. La mère de famille et ses trois filles. On remarque dans ce roman qu'il y a, pas une rivalité, mais une certaine mésentente entre la mère et ses filles. Oui, tout à fait. Alors déjà, ce qu'il faut souligner, c'est que ce sont trois petites filles au tempérament bien différent. Donc c'est aussi l'occasion pour moi de montrer que dans une fratrie, tout n'est pas tout beau, tout rose. Qu'en tant que parent, il faut composer avec des enfants qui ont des attentes différentes. Ils ont chacun des besoins différents avec lesquels il faut composer. Et dans ce roman, il y a aussi cet aspect qui est quand même... assez fort et que je tenais à souligner. D'ailleurs, dans ce roman, en parlant des mystérieux inconnus qui vont venir toquer à la porte d'Hélène, au départ, comme c'est marqué sur la quatrième de couverture, Hélène n'est pas trop d'avis pour les laisser entrer, contrairement à ses trois filles. Tout à fait. Dans ce roman, La courte échelle, y a-t-il un aspect autobiographique ou du moins biographique ? Non, je le dirais pas comme ça. C'est pas autobiographique. Le but, c'était pas de faire une grosse projection de moi-même. Par contre, c'était une première expérience. À la base, c'est un roman que j'ai commencé pour me divertir. J'ai pas voulu entreprendre de recherches trop conséquentes. D'accord. Donc, j'ai voulu. Enfin, je me suis tout simplement inspirée de ce que je connaissais le mieux. Donc, mon métier. Déjà parce que j'ai voulu utiliser certaines ficelles tirées du métier que j'exerce. Je trouvais que ça apportait une petite plus-value au roman. Ensuite, la vie de famille, bien sûr. Là, j'ai été piochée directement dans mon quotidien de mère de famille, ce qui rend les choses quand même très réalistes, puisqu'il y a certaines réflexions qui sont tirées de mon quotidien, tout D'accord. simplement. Donc, non, c'est pas autobiographique. Par contre, il est évident que j'ai été piochée dans ce que je connaissais le mieux et dans mon quotidien, tant professionnel que personnel. D'accord. Donc, dans ce roman également, on voit clairement qu'il y a un aspect sensibilisateur, sur l'écologie. Tout à fait. Donc, êtes-vous vous-même, justement, une fervente défendresse de l'écologie ? Alors, fervente défendresse, je ne les dirais pas comme ça. Je dirais plutôt que je suis une mère de famille en phase de transition écologique. J'essaie de faire des efforts au quotidien. Et ça me paraissait très important de l'intégrer dans l'histoire. D'accord. Je voulais créer une sorte de version romanesque de « Ça commence par moi ». Alors, « Ça commence par moi », c'est un mouvement écologique qui a été initié par Julien Vidal. Qui répond à un discours écologique qui n'est pas du tout culpabilisateur. Le but, c'est de dire on peut faire des petits gestes au quotidien, des actions qui ne demandent pas beaucoup d'efforts, et puis continuer sur cette voie-là pour préserver la planète, pour protéger l'environnement. Donc, le but, c'était d'initier une réflexion. Alors, la difficulté, ça a été de l'intégrer à l'histoire. D'accord. Dans la première version, j'ai voulu je suis un petit peu partie dans tous les sens et c'est pas évident de l'intégrer dans l'histoire sans que ça paraisse moralisateur ou culpabilisateur. Alors après, Hélène, c'est une mère de famille, elle vit pas en complète autonomie dans ce qu'on appelle les tiny house, ces maisons qui sont complètement indépendantes sur le plan énergétique. C'est une mère de famille qui est en transition écologique et le but, c'est que chacun puisse s'identifier à elle et se disent, tiens, mais est-ce que moi aussi je pourrais pas supprimer quelques mails de ma boîte de réception pour protéger un petit peu la planète et réduire mon empreinte carbone ? Donc c'est de donner des éléments de réflexion, des pistes de réflexion, et puis que chacun puisse tout simplement s'identifier à ce que j'appelle cette héroïne des temps modernes. D'accord. Donc vous avez mis un petit peu de vous dans le personnage d'Hélène ? Oui, tout à fait. D'accord. D'ailleurs, en faisant mes recherches et avec les différents documents que vous nous avez confiés, je crois savoir, je suis même sûr, que les lecteurs ont déjà donné beaucoup d'avis. Oui, absolument. Qu'est-ce qu'ils en disent, globalement ? Alors globalement, les retours sont plutôt positifs. D'accord. Par rapport aux émotions que j'ai voulu faire transiter, le pari est plutôt réussi puisque les lecteurs semblent sourire, rire, pleurer. Donc là, de ce point de vue-là, mon objectif semble atteint. Le côté écologique ensuite plaît beaucoup parce que ce sont des préoccupations actuelles. Et je pense que le fait de les retrouver dans une histoire, dans une fiction, c'est quelque chose d'actuel qui semble plaire. D'accord. Et puis globalement, les lecteurs trouvent les personnages attachants, l'histoire bien menée. Donc de ce point de vue-là, je trouve que le pari est plutôt réussi. D'accord. Donc oui, de mémoire, je me souviens un commentaire qui disait que ce roman, comme vous l'avez dit, est un roman feel good, qu'on ne lâche pas avant d'avoir refermé. Il me semble qu'il y a un commentaire comme ça. Et puis différents autres commentaires qui, j'en ai pas vu de négatif personnellement. Non. Donc oui, je pense plutôt que vous avez réussi votre mission, je dirais. Tout à fait. Donc justement, revenons-en à ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce que vous avez d'autres romans en prévision ? Alors oui, effectivement, il y a un deuxième projet dans les tiroirs, comme on le disait tout à l'heure. Cette première expérience m'a vraiment confortée dans ce choix-là. Donc c'est quelque chose que j'entends renouveler. Et puis, forte de ce que j'ai pu connaître comme difficulté à travers ce premier roman, je pense que je suis mieux préparée pour m'investir dans une seconde aventure. D'accord. Donc justement, ce prochain projet, est-ce qu'il aura ce même aspect écologique ? Alors oui, effectivement, c'est quelque chose que j'entends aussi intégrer. Simplement, les thèmes seront bien différents. Donc là, il sera plus vraiment question d'écologie au quotidien. Ce sera plus, il sera toujours question d'écologie, mais appliqué à d'autres domaines, des domaines dans lesquels, justement, on n'y pense pas forcément. Alors, le message, c'est aussi un petit peu de dire que l'écologie, en fait, ça peut être partout, ça peut être tout le temps, et ça peut prendre plein de formes différentes. D'accord. Donc, une idée de date de parution, peut-être, pour le deuxième, ou pas ? Pas du tout. D'accord. Non. Vous êtes dessus, vous travaillez dessus. Voilà, oui, absolument. Alors là, je combine la promotion et la vente du premier livre et puis l'investissement dans ce second projet. Donc j'essaie de grappiller un petit peu de temps ici et là. Mais comme on le disait tout à l'heure, l'écriture, c'est un à côté. C'est quelque chose, c'est une passion à laquelle je consacre du temps quand j'en ai envie. Donc je ne veux pas non plus me fixer de contraintes de délai. D'accord. Donc parmi nos auditeurs qui nous écoutent, s'il y en a qui veulent se lancer dans l'aventure de l'auto-édition, quel conseil leur donneriez-vous, que ce soit au niveau de l'écriture ou au niveau de la promotion ? Alors au niveau de l'écriture, je conseillerais de se faire aider par des professionnels. Tout simplement parce que quand on crée son histoire, on la crée à son image. Et on l'écrit avec ses mots, avec son regard, et il faut, à mon sens, la confronter à des regards extérieurs, parce qu'on n'a pas toujours le bon regard, on n'a pas le recul nécessaire pour voir les travers de sa propre histoire. Et puis ne serait-ce que parce que sur la masse il traîne toujours des fautes d'orthographe, ça me paraît quand même essentiel au minimum de faire appel à un professionnel pour les corriger et présenter un texte qui soit dénué de toute faute de grammaire, d'orthographe, conjugaison. D'accord. Après, pour la mise en page, la couverture, aujourd'hui, c'est très simple. Il y a des tas de plateformes qui proposent des services pour les auteurs auto-édités. On peut même se débrouiller soi-même. Dans l'absolu, c'est très facile aujourd'hui. Ça, je dirais que c'est un choix qui est propre à chacun. Pour ma part, j'ai voulu faire appel à une professionnelle, mais c'est en rien une obligation. Pour le reste, pour l'écriture, pour ma part, c'est été une aventure passionnante. Donc, je le conseillerais à tout le monde. D'accord. Et au niveau de la promotion, est-ce que vous avez des conseils à donner aux éventuels auteurs auto-édités en herbe ? Alors, pas vraiment. Déjà parce que pour ma part, j'ai très peu de recul sur la promotion. Le livre a été publié le 20 novembre. Donc là, ça fait pas 2 mois que j'ai commencé cette phase de promotion. De mon côté, j'essaie des choses, je tente, j'expérimente. Alors des fois, je me heurte à des réactions incrédules, mais quoi qu'il en soit, je n'ai pas suffisamment de recul pour donner de véritables conseils. Après, maintenant, il y a beaucoup de sites internet, de coachs, d'émissions qui aiguillent justement les auteurs auto-édités sur les façons, les méthodes à employer pour promouvoir son livre. Alors ça passe bien sûr par les médias locaux, ça passe aussi par internet, les réseaux sociaux. Bon, ça, moi, personnellement, c'est des outils, comme je vous dis, je les expérimente, je tente des choses. Après, je n'ai pas suffisamment de recul pour voir quelles sont les retombées exactes et surtout, je n'ai pas de recette miracle. D'accord. Donc, si nous voulons nous procurer votre livre La Courte Échelle, comment pouvons-nous faire ? Alors, il est possible de s'adresser déjà directement à moi en le commandant par mail à une adresse que je vais vous donner, marie.claude@lilo.org. Alors ça, c'est notamment pour ceux qui voudraient que je dédicace leur exemplaire. Ensuite, c'est possible de le commander sur Amazon et c'est également possible de le trouver dans différents points de vente qui sont situés dans les Vosges, au Leclerc, à Saint-Étienne-lès-Remiremont, à Rue-sur-Moselle, la boutique Manature, à Saint-Amé, l'atelier bio, aux maisons de la presse de Cornimont et La Bresse, et prochainement au Super U à Vanier. Alors, j'essaie de le mettre dans des points de vente différents. Il y en aura certainement d'autres incessamment, mais pour l'instant, voilà où on peut le trouver. D'accord. Donc, nous arrivons déjà à la fin de cette émission. Un dernier mot, peut-être ? Je voudrais remercier tous ceux qui auraient envie de me faire confiance et de parier sur moi. D'accord. Donc, le message est passé. Donc, c'est ainsi que se termine ce 6e numéro de À la rencontre d'auteurs. Je remercie une nouvelle fois Marie-Claude d'avoir accepté notre invitation. Dans le 7e numéro que vous entendrez le mois prochain, nous rencontrerons Angel Harkin pour son roman Is It Love, Gabriel. Vous pourrez retrouver cette émission en podcast sur notre site internet www.radioguimozo.eu, tout attaché, sans accent et avec un T à la fin de Mozo. Et vous pouvez bien sûr réagir à cette émission sur notre page Facebook Radio Guimozo ou en nous appelant au 03 29 62 40 40 ou même, pourquoi pas, à venir nous rendre visite directement à la radio située à l'adresse 8, place de l'Hôtel de Ville, à Saint-Étienne-lès-Remiremont. On se retrouve donc le mois prochain pour une prochaine rencontre. Et en attendant, lisez des livres, littérairement.